Hey. Tu vénères, je te la roule, la haine t'escorte dans ces terres de ma bouche. Je suis ruiné et stressé parce que mes clopes valent plus cher que ma bouffe. J'en ai marre de ce décor, j'aimerais qu'on accounère tout valse. Le jour se lève, tout part pendant que des gens font les poubelles pour grailler ce qu'on encaisse. Je crois pas que cette feuille pourra contenir ma rage. Faut que je laisse ma trace, alors je balance la sauce pour accomplir ma tâche. J'emmerde nos dirigeants, c'est tard de t'agace, mes cœurs. Ici tu rends des comptes, même sans être sur la liste de Panama Papers. Je suis du genre nostalgique, donc sur ma feuille j'étale ma chère enfance. Paris c'est la Corée, du nord au sud, c'est pas la même ambiance. Je reste indifférent face au blabla, au mespace, mais quand l'écoute. C'est dur de dire que ça n'est qu'une mauvaise passe. Ce monde nous conditionne. Soumets-toi ou l'état tourne le dos. La mort à long sommeil. Mais l'esquiver n'est pas de tout repos. J'aime pas la frais la prod. Alors le mic c'est sur deux spies. Car j'ai la plume capable de laisser un cocard sur une figure de style. J'suis sur ma route et pour ne pas finir dans le fossé j'pris. C'est bordel dans nos vies et dans nos esprits. Vu que personne nous écoute, viens pas causer, j'cris. Perdu dans ce monde où même en bas l'oseille prie. J'suis sur ma route et pour ne pas finir dans le fossé j'pris. C'est bordel dans nos vies et dans nos esprits. Vu que personne nous écoute, je viens pas causer, je crie. Bienvenue dans ce monde où même en bas l'oseille prie. Je te raconte pas des fables, j'en ai mis un proche des flammes, prêt à craquer dans les journaux. J'ai vu des lycéens, des femmes se faire matraquer. Les médias nous salissent et puis s'étonnent de voir les miens outrés. Pour m'en sortir, je vends pas des tonnes, même si c'est ce que certains voudraient. Fais gaffe aux flics mal lunés, prie pour que l'avenir ne soit pas costaire. On va finir par se faire allumer comme les Black Costales. Comme Tupac et au gospel, je défends ma cause tel un mercenaire. Et dans ma tête, c'est plus Darko. Personne m'arrêtera, ça fait bien trop longtemps que je stagne, je vais tout kill. Rien à foutre d'être une star, je vais me repentir comme Stanley Tookie. Je continue tant que ma rage me guide, je suis venu tout saccager. C'est cette année que je vous kick mes plus gros titres. En tout cas, j'essaie le cœur en chantier, trop de fils. Mais on se connecte, flow magique, trop légendaire, gros fit. C'est Rolex aux machines, c'est pour les campagnes, les centres-villes. Elle était sans chantier, je ne sais que chanter pour les miens, pour les désenchantés. Je suis sur ma route et pour ne pas finir dans le fossé, je prie. C'est bordel dans nos vies et dans nos esprits. Vu que personne nous écoute, viens pas causer, j'cris. Perdu dans ce monde où même en bas l'oseille prie. J'suis sur ma route et pour ne pas finir dans le fossé, j'pris. C'est bordel dans nos vies et dans nos esprits. Vu que personne nous écoute, viens pas causer, j'cris. Perdu dans ce monde où même en bas l'oseille prie. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Plus de phrases que de balles qui fusent. Kick sec avec Ali la crap. Pas besoin de se la raconter, pas besoin de jouer les gangsters. Du nord au sud, de Montpellier jusqu'à Panama. J'ai tellement de choses à dire que j'arrive même plus à me taire. J'm'investis dans le pura et c'est comme ça que j'fais mes affaires.